Vos oreilles sont-elles prêtes pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert. Bonjour et bienvenue dans Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Moi, c'est Mathieu Plante. On va passer 3 heures ensemble pour découvrir ces nouveautés, savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moyen, qu'est-ce qui est pas bon, hein, comme dans les restaurants, petit, moyen, grand et extra familial, bambino. Dans le francophone, cette semaine, on a de nouvelles entrées, de nouveaux albums de Antonio. Arrive en ville avec Cité, Kenny Arcana avec Désobéissance, mais on commence ça avec Pedro Pedro et ses enfants. L'album s'appelle Réapprendre à vivre en chanson. Et à l'instant même, voici la pièce Papa, Papa, précédée de l'intro dans le poste d'écoute au 89 FM. Et allez voir le www.unechance.com pour suivre avec nous tout au long de l'émission. Belle place. Niños. Le poste d'écoute. We'll be right back. Les gens me demandent souvent « Hey Pedro, pourquoi toutes tes tunes parlent d'amour? » Avant de leur répondre, la première chose que j'aime faire, c'est me saouler la gueule de Energy Drink. Après ça, je me sens plus en moyen pour leur répondre. Puis là, je leur dis « Wow, come on, man, réveille! » À radio, y a rien que ça, des tonnes d'amour! Et c'est pour ça que moi aussi, j'ai fait la même chose. Si tu l'as fait, je vais la faire aussi. Parce que Pedro, c'est comme les gens disent, du mouton. C'est doux, ça bêle, ça mange de l'herbe. Mais surtout, ça fait des bonnes grillades. Quando mi picchia, mamma sente la trappa, c'è pollo sul fronte, padre deve gustare, perché ho lasciato un contenuto, a non patrivere, la perpizia in testa, non potete craccarla. Mamma, con tutte le storie che abbiamo in nessuna famiglia, c'è passa dei giorni, a te che è stessa, e io si resto un fa, perché tu non la, e detta scala e stigma, te te mani, dopo cosa che la vedesti, les six premières pièces du nouvel album de Pedro, Pedro et ses enfants qui s'appelle Réapprendre à vivre en chanson. On vient d'entendre la pièce Rape-moi, remake de Rape Me. La cravache avant ça, Pedro sur l'amour, Rock Moïse, Papa, pas Papa et l'intro au début. Donc, nouvel album de Pedro, Pedro et ses enfants. Bien des gens qui attendaient cet album. Ça a beaucoup de fans apparemment ce groupe-là. Un groupe de punk hardcore et puis ça vient de Charlemagne. Travagne, Sud-Ouest, Lao People's Democratic Republic. C'est ce que ça dit sur leur MySpace. Je sais que c'est pas vrai. L'album est un mini-album, oui, en vente. partout. Ça dit le 26 mars. Et là, j'imagine que ça peut être mis à jour pour parler de leur plus récent album complet de 11 pièces. Il y a là-dessus plein de bonnes choses. Des pièces tout aussi bizarres que Entre des mains réconfortantes, All Dress, Pedro fait le spirituel. Des fois, c'est normal. Et C'est un ado maintenant. C'est des pièces qu'on n'a pas entendues aujourd'hui. Donc, à la voix, Pedro El Poder Lopez. Guitare jouée, Albert La Cracalère. À la basse, Eric Ayotte. Autre basse, Zorino Negro Marron. À la batterie, Conan Moulin. À l'art, Xavier Landry. Et autre art, Monsieur Clémentine. Influence tout ce qui fait bing, bang, boom, sans laisser trop de marques. Sounds like quelque chose de gratuit et de merveilleux. Ils sont en spectacle. Prochaine date, c'est le 28 juin à 21h à Montréal avec les grosses plots sales au Café Chaos. Grosses plots sales. 7 août à 21h avec Métagruo à l'Esco de Montréal. Et puis en septembre, ils vont être encore une fois à Montréal. Ils étaient très récemment à Trois-Rivières le 14 juin dernier avec Le Monde dans le Feu et J'ai le cancer. C'était au Charlot. myspace.com/pedro et ses enfants. Pedro et ses enfants. On passe par le www.unechance.com pour le lien. Voilà, malheureusement, pas de biographie pour Pedro et Pedro, c'est dommage. Prochain CD qu'on s'en va entendre, c'est du côté Canadian, un album de la formation Aerozeta qui s'appelle Into Your Lungs. Et tout de suite, voici New Goodbye. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés pour la toute première fois sans savoir ce qui s'en vient au 89.1 FM. www.pointdechance.com. Mais juste 3 W. Get your things, we're leaving. Where the morning birds are singing. We're sailing. Cause it's time to go. What's to come only fate can show. See her move like a toreador, wielding her cloak and sword like some twisted sport. But I believe if we run into red full speed, there isn't a blade beneath keen enough to pierce our skins. 'Cause we won't let it in. We'll be right back. I've been asleep for a long, long time. I've all been closed. And all of my teachers are dead, I suppose. And the songs that we sung have all gone quiet. What happens below as we sleep at night? child in a tree on a tire in 85. There's an arc that your feet will ride on the way between hate and that Sunday fire. And that Sunday fire. You look so serious, oh, you look so serious. The night is serving us, you look so serious. This could be our reward. Friday night, where you're loosening your tie, but there's a tightness in your eyes. Oh, you look so serious. Why'd you look so serious? The night is serving us, and we're deserving it. We'll be right back. Hey Rosetta avec la pièce There's an Ark, précédée de I've Been Asleep for a Long Long Time et de New Goodbye, les trois premières pièces de leur nouvel album qui s'appelle Into Your Lungs and Around in Your Heart and On Through Your Blood. J'ai vraiment adoré ça, c'était très très bon. La première pièce me rappelait un petit peu Polyphonic Spree. L'esprit festif, j'aime vraiment beaucoup ça. Et donc, et Rosetta avec un point d'exclamation, c'est du rock indie pop de St. John's, Terre-Neuve et Labrador. myspace.com/arobic/arosetta ou encore arosetta.com. Les membres sont Tim Baker à la voix, au piano et à la guitare, Adam Hogan à la guitare, Josh Ward à la basse, Phil Maloney à la batterie et Kenny Dowling au violon. Ils sont en spectacle un petit peu partout présentement au Canada. Là, je vois l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba et le Nouveau-Brunswick. Allez vous renseigner sur leur MySpace. Je répète l'adresse myspace.com/HeyRosetta. Là-dessus, il y a plusieurs pièces, dont I've Been Asleep for a Long, Long Time, que j'ai fait jouer tantôt, et quelques autres. Voilà. On retourne aux francophones ici dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Le prochain album vient de la formation Cité. Ça s'appelle « Arrive en ville ». C'est des chansons folkloriques québécoises reprises dans une forme complètement différente. On commence avec « À la claire fontaine ». Tout de suite, au 89.1 FM, www.unechance.com pour les liens de tous les artistes et la balado-diffusion d'émission. Sweet. D'autres musiques folkloriques québécoises vous attendent après la pause et la formation Sloan dans le poste d'écoute au 89.1 FM. J'ai La formation Cité avec la pièce C'est l'aviron, précédée de J'entends le moulin et de À la claire fontaine. Ça va être leur album Arrive en ville, vieille pièce folklorique québécoise. Parlons un petit peu de Cité. C'est le compositeur franco-ontarien Dennis Shing, ainsi que tous les musiciens qui collaborent à ses projets. Après des études en composition et une quinzaine d'années passées dans le domaine de la musique de concert, Dennis Shing a changé de cap pour se tourner vers la musique populaire. Avec Arrive en ville, il a voulu remettre à jour les chansons du folklore traditionnel québécois les plus connues. Avec ses ambiances trip-hop et lounge, ses rythmes R&B et un son résolument techno-pop, Arrive en ville se veut non seulement un hommage à la musique traditionnelle et aux parents du compositeur, mais aussi une exploration des possibilités encore inexploitées de notre riche patrimoine musical. Si vous voulez en savoir plus sur Cité, allez voir myspace.com/CitéMusique, C-I-T-E, musique en français, et évidemment, tout ça sans les accents. myspace.com/CitéMusique, l'album s'appelle Arrive en ville. J'ai apprécié musicalement. J'aurais peut-être pu faire sans les... très, très mauvaise traduction de l'anglais, ça. Mais j'aurais pu me passer de la musique traditionnelle québécoise. Je trouvais que si ça avait été de la musique originale, dans le sens des paroles originales, j'aurais peut-être plus apprécié. Mais bon, j'ai aimé quand même Cité avec Arrive en ville. Maintenant, on retourne à la musique canadienne. C'est la formation Sloan. Sloan, avec leur album Parallel Play. Et tout de suite, voici Believe in Me dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois, hein, en même temps que vous. Oh, 89 FM, c'est fou dans vos oreilles. She kept her feet on the ground. Her La formation canadienne Sloan avec la pièce All I Am Is All You're Not, précédée de Cheap Champagne et de Believe In Me. Formation Sloan Power Pop Rock Indie, c'est canadien, je l'ai dit. SloanMusic.com ou MySpace.com/SloanMusic. Les membres sont Jay Ferguson, Andrew Scott, Chris Murphy, Patrick Pentland. C'est déjà la fin de la première heure du Poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. On a entendu dans cette première heure Pedro Pedro et ses enfants avec Réapprendre à vivre en chanson, Hey Rosetta avec Into Your Lungs, Cité avec Arrive en ville et finalement Sloan avec Parallel Play. Dans la deuxième heure, gros bloc anglophone avec des formations très connues. On va faire un beau petit bloc dédié à Weezer, Stereophonics et The Fratellis. Ça va être absolument malade. Mais on termine la première heure avec quelque chose de sûrement aussi malade. Jamie Stone and Mansa Sissoko. Leur album s'appelle Africa to Appalachia. Et voici leur pièce Bibi. C'est dans le poste d'écoute. Donc, restez à l'écoute pour la deuxième heure et la troisième ensuite. Allez voir le unechance.com pour tous les liens d'émission et pour télécharger la balado-diffusion à chaque semaine. N'en ratez pas une que je vous vois et pas en rater une. OK. Poste d'écoute 89.fm. C'était pas mal ça. Bibi jigita simbo iniwale, bibi wo Mansa bibi le wo kono gulu gulu nte kodi Tonya simbo nata Hey bibi jigita ye bibi le kono Bibi wo Mansa bibi le wo kono gulu gulu nte kodi Tonya simbo nata Jaga simbole no Iye kanye simbole ma Iye Kulanja mani ba mongono Iye kanye simbole ma Marama fene simbole kuye Meyalendela, Simbo, Iye Meyalendela. Meyalendela, Oigo, Meyalendela, Simbo, Iye Meyalendela. Simbo itanso subolanka bila ijamuto yorosi yaman. Bolanganda to Gunjunganda to Gunju Tegenje Tanyomogu, Tanyomogu, Nyomogu Kandika Laminaki Konokumbu, Konokumbu, Gamba, Konotikitonya, Dianyegu Ah, Kuruwali Banjan Kilikadina. Junani tawarana Adiara mo minye do so duye tabun Amadiara mo minye do so duye tabundi Sibikani tabunka Dansoko Nata tarunga fili jaka simbole no Tonya simbo nata tarunga fili jakasi mbole no. Sugu bara logo bonna simbo abara logo bonna minan sugu bara logo bonna simbo abara logo bonna kulundi sugu bara logo bonna simbo abara logo bonna pomoton sugu bara logo bonna simbo abara logo bonna minan sugu bara logo bonna simbo. Melani wodi kwenye wala dokadila wodo kaba furuba melani wodi kwenye wala dokadila koroni banyafu ba koroni banyafu koroni banyafu ba koroni banyafu koroni banyafu barakma afwa. Deuxième heure du Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Toujours Mathieu Plante, toujours aussi heureux de vous avoir avec nous. Toujours très intéressant cette petite émission. Notre mission, c'est de découvrir là des choses. On ouvre grand nos oreilles, on passe des CD les uns après les autres sans savoir ce que c'est. Hein, on les joue dans l'ordre des pièces, pareil comme dans un poste d'écoute. D'où le nom de l'émission pour ceux qui n'auraient pas encore compris ça. Juste avant la pause, à la fin de la première heure, on a entendu Jamie Stone and Mansa Sissoko. L'album s'appelle Africa to Appalachia. Si vous voulez voir le lien, c'est au www.unechance.com. Si vous voulez écouter l'émission en direct sur Internet, c'est le www.cestfou.ca. Unechance.com, cestfou.ca. Dans cette deuxième heure, gros bloc de musique bien connue, d'artistes bien connus. Ça me tentait de faire ça, les mettre tous ensemble, faire un méga bloc de hit, non-stop, blitz musical. Comme ils disent ailleurs, The Fraternities avec leur album Here We Stand. Ça, c'est toujours excellent, les Fraternities. On a aussi Stereophonics avec Pull the Pin. Mais on commence avec le nouvel album de Weezer. Malheureusement, notre machine ne nous permet pas d'écouter la pièce Pork and Beans. Triste, mais cette machine est très capricieuse. Donc, on commence avec les pièces Troublemaker, The Greatest Man That Ever Lived et Heart Songs. Ça se passe maintenant dans votre poste d'écoute au 89.1 FM. C'est la Radio Campus de Trois-Rivières. Special school, 'cause I am such a fool, and I don't need a single book to teach me how to read. Who needs stupid books? They are for petty crooks, and I will learn by studying the lessons in my dreams. So turn off the TV, 'cause that's what others see, and movies are as bad as eating chocolate ice cream. They only sicken me. Don't let me play football, I'll sack the quarterback and jack your brother of the ball. I'm a troublemaker. Singers in the other bands. I'm such a mystery, as anyone can see. There isn't anybody else exactly quite like me. And when it's party time, like 1999, I'll party by myself because I'm such a special guy. I'm a troublemaker, never been a faker. Doing things my own way and never giving up. I'm a troublemaker, giving up. Le poste d'écoute. of the morning, a cat named Stevens found a faith he could believe in. And Joan Baez, I never listened to too much jazz, but hippie songs could be heard in our pad. Eddie Rabbit sang about how much he loved a rainy night. Abadevo, Benatar were there the day John Lennon died. Mr. Springsteen said he had a hungry heart. Grover Washington was happy on the day he topped the chart. These are the songs, these are my heart songs. Starts a fight, don't you worry for too long, 'cause you know these are the songs, these are my heart songs. They never feel wrong, and when I wake for goodness sake, these are the songs I keep singing. Le nouvel album de Weezer dans le poste d'écoute au 89.fm. Weezer, leur Red Album, disponible depuis le 3 juin 2008. Oui. On a entendu les pièces Heart Songs, précédées de The Greatest Man That Ever Lived, Variations on a Shaker Hymn et Troublemaker au début du bloc. On a évidemment sauté par-dessus Porks and Beans, qui joue ailleurs, voilà. Weezer, un groupe d'alternatif crunk de Los Angeles en Californie, qui rock depuis 1992. myspace.com/Weezer, c'est leur site web, ou Weezer.com. Allez-y, je crois pas qu'ils ont vraiment besoin de biographie, mais bon, au moins on a entendu un petit peu de quoi l'album a l'air. Weezer avec leur Red Album. On reste dans le bloc de gros noms. On va voir The Fratellis tantôt avec Here We Stand. Mais avant, on s'en va entendre un nouvel album de Stereophonics qui s'appelle Pull the Pin. Et tout de suite, voici une pièce qui m'a l'air politisée un peu. Soldiers make good targets. Que de vérité. Peut-être le poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous au 89.fm. Television. Le poste d'écoute. It's better. Go back. La formation Stereophonics avec leur nouvel album Pull the Pin. On vient d'entendre les pièces It Means Nothing, précédées de Pass the Buck et de Soldiers Make Good Targets. Stereophonics, groupe de indie rock que vous connaissez peut-être. Ils viennent de Wales, au Royaume-Uni. Ils sont en tournée mondiale en ce moment. myspace.com/stereophonics ou stereophonics.com. Les membres sont Kelly Jones à la voix et la guitare, Richard Jones à la guitare basse et Javier Weller à la batterie. Très, très bon, ça, cet album-là. J'ai bien aimé. Vous pouvez entendre des pièces sur leur MySpace. Il s'appelle Pull the Pin, l'album. On reste dans le bloc de groupes bien connus, de gros noms. Et le prochain, le dernier, c'est The Fratellis avec Here We Stand. Gros groupe, en tout cas, pour ces fous. Hein? Palmarès en masse, plusieurs pièces. Et on les aime bien. On espère que leur prochain album va avoir aussi des pièces sur le palmarès. Tout de suite, voici la pièce My Friend John dans le poste d'écoute. 89 ans. to steal the watch off my wrist. I'm shaking my hand. We could disappear for days and they wouldn't understand. Gypsy blood will get you far and we'll not miss you when you go. Le poste d'écoute. Yeah. La formation anglaise de Fratellis avec leur tout nouvel album Here We Stand. Oh, c'était bon ça. Groupe de Glasgow au Royaume-Uni. C'est un groupe de rock indie alternatif. Vous l'aurez deviné. On vient d'entendre les pièces Shameless, A Hairy Tale. Et au début, c'était My Friend John. Les membres sont John Fratelli à la voix et la guitare, Mince Fratelli à la batterie et la voix, et Barry Fratelli à la basse et au criage. Allez voir myspace.com/ Little Baby Fratelli ou encore thefratellis.com pour plus de renseignements sur le groupe. Leur album, je le rappelle, est Here We Stand et on risque d'entendre ça à nouveau ici sur les ondes de C'est Fou. Vous synthonisez le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés pour la toute première fois en même temps que vous. Là, je suis en train d'ouvrir une boîte d'un artiste qui s'appelle Antonio. En fait, c'est plus du carton, pas vraiment une boîte, mais bon. Et là, je mets le CD dans le lecteur et on va entendre ça dans l'ordre des pièces. Ça dit « Bien peu de gens se souviennent d'Antonio. Pourtant, ce bipède est déterminé à traverser les époques la tête haute. » Oui. Flashback sur les moments marquants d'une existence étrange, bizarre, celle d'un homme qui voyait la vie avec ses oreilles. Tout de suite, voici la pièce Ernie Clough au 89.1 FM. www.unechance.com pour tous les liens de l'émission d'aujourd'hui. Suivez avec nous en direct sur l'unechance.com. C'est divertissant quand on n'a rien à faire. Le poste d'écoute. Antonio avec la pièce STR, précédée de Elvina, de Hello Gringo et de Ernie Clough. Ça vient de son nouvel album Antonio. J'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré ça. C'est, je crois, ce que j'aimais le plus depuis le début de l'émission. Je vais laisser aller la pièce 5 qui s'appelle Rastapo pendant qu'on parle d'Antonio, son premier album sorti le 10 juin dernier. Depuis près de 15 ans, le guitariste, arrangeur et réalisateur David Brunet met son cœur au service des artistes québécois tels Daniel Boucher, Yann Perrault et Tricot Machine. Avec Antonio, il accouche d'une œuvre personnelle et poétique, sensible et ambitieuse. Ses 11 tableaux instrumentaux, réalisés avec l'aide d'une vingtaine d'amis collaborateurs, décrivent les hauts et les bas de l'étrange existence d'Antonio, un homme qui voyait la vie avec ses oreilles. Composition, arrangement et réalisation par David Brunet avec des collaborations de Simon Blouin, Richard Deschênes, François Richard, JP Dalpé, Franck Foulard. Et là, je pensais qu'elle allait avoir des noms connus, mais j'en vois pas. Lancement donc du nouvel album d'Antonio qui est éponyme, ou même je dirais qui est éponyme. Je pourrais aller jusque-là, tellement c'est bon. Antonio, donc voilà. C'est déjà malheureusement la fin de cette deuxième heure du Poste d'écoute. Il nous en reste une, oui, une dernière heure. Dans cette troisième heure, on va entendre Set the Whale avec leur album How Sounds. Ensuite, on entendra Kenny Arcana avec Désobéissance, suivi de Street Dogs avec State of Grace et Forever the Sickest Kids avec Underdog Alma Matters. Ça va être un gros bloc de punk. Hein? Donc, restez avec nous. Le Poste d'écoute revient dans quelques minutes à peine. Troisième heure du Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales en même temps que vous, là, pour la première fois. Vous connaissez ça, vous aimez ça. C'est tellement fun d'écouter de la musique, tu sais, qu'on connaît pas. Moi, j'aime ça. Tu sais, il faut garder l'esprit ouvert, assimiler lentement cette musique. Allez-y, sentez-la. La ronde, la bonne nouvelle musique. On est toujours en direct les vendredis matin de 10h à 13h. On est aussi en rediffusion les samedis de 13h à 16h et les lundis de 17h à 20h. Donc, soyez là. Aloha. On continue avec de la bonne musique. On va entendre du Canadian pour commencer l'album de la formation Set the Whale. Leur album s'appelle How Sounds. Et on va l'entendre, la toute première pièce de l'album qui s'appelle The City's a Mess. Mais avant de l'entendre ça, avant, j'ai une annonce à vous faire. Une annonce concernant la programmation du Poste d'écoute. La semaine prochaine, vendredi le 27 juin, ce sera notre émission en direct. On sera rediffusé le lundi 30, entre autres. Ce qui veut dire, oui, je sais que c'est pas le premier, ça tombe mal cette année, mais spécial Canadian. Oui, parce qu'on a accumulé beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique canadienne. Ça veut dire de la musique faite au Canada depuis les dernières semaines. Beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Même beaucoup trop pour une émission de 3 heures. Il va falloir filtrer à la volée. Mais donc, je vous annonce que ce sera la semaine prochaine, vendredi le 27, rediffusion samedi le 28 et lundi le 30. Spéciale musique canadienne ici dans le Poste d'écoute. Voilà qui est dit. Et on s'en va entendre, parlant de Canadian, un groupe canadien. Je le disais, c'est Set the Whale et les voici tout de suite dans le Poste d'écoute au 89.1 FM. Dans vos oreilles, 89.1 FM, cif.ca, une chance.com. This time such a shame how time flies. Poste d'écoute. Dark below. tip I throw. My hands were ice, my feet were stone, and I could not throw. Down with the wave, and I jumped in, but I was too late. Fighting with the currents of the Georgia Strait, fighting with the wind and the tide and the wave. I lost my love that day. Touched her fingers as she breathed out my name. She smiled at me, I watched her fade away. To the deep and the dark of the underway, to the currents of the Georgia Strait. Sit for 100 years and I'll wait till I see her smiling face come shining up her way. And on the shore, see my love again. I pray to God, I curse my luck, I question my faith, and I curse my empty-hearted faith, and I curse the wind and the tide. Curse the currents of the Georgia Strait, where I lost my love that day. Where I lost my heart. To the curse of the currents of the Georgia. Curse of the currents of the Georgia Strait. It's the curse of the current. It's the curse of the currents of the Georgia Strait. It's the curse of the current. Le nouvel album de Seth the Whale s'appelle House Sounds. On vient tout juste d'entendre la troisième pièce qui s'appelle Curse of the Currents. C'était précédé de House Sounds, la pièce titre, et de This City's a Mess. C'est un groupe de Vancouver de indie rock alternatif acoustique. Mm-hmm. MySpace.com/SetTheWhale ou SetTheWhale.com. Les membres sont Ben Worcester à la guitare et la voix, Tyler Bancroft à la guitare et la voix, Jeff Laforge, basse et voix, Spencer Schoening à la batterie et Colin Dodds au clavier. Ils sont en tournée en ce moment au Canada avec des endroits comme la Saskatchewan, l'Alberta, la Colombie-Britannique et d'autres probablement plus tard. Mm-hmm. Set the Whale, l'album, encore une fois, s'appelle How Sounds et on vient tout juste de découvrir pour la première fois tous ensemble dans le poste d'écoute au 89.fm. Prochain artiste qu'on s'en va entendre, c'est Kenny Arcana. C'est du rap. Faut en passer. Des fois, il y a des gens qui aiment ça. Pas moi, mais il y a des gens. Désobéissance est le nom de son album. Voici Désobéissance civile dans le poste d'écoute 89.fm. Unechance.com pour tout lié à l'émission et pour entendre la balado diffusion à chaque semaine. Mm-hmm. Mais cours, Kenny Arcana! Cours! Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parlent que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée. Les peuples unitairement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissance ont tracé leur route sur nos libertés. Ils ont juré, craché, et créé un entravera à l'heure où les dictatures sont cachées. À cause de leur profit immédiat, l'avenir est gâché. Cette bande d'ingrats aurait dû la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestation dite criminelle si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Puis s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Ils sont transparents alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseillent fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leur plan depuis que des avions se sont crashés. Et toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché? Ils prêchent le blasphème et la vraie lumière se fait lécher. Tout se met la corde au cou dans certains pays, elle a lâché. Parle de justice alors qu'à la racine ils l'ont arraché. Les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher. Voilà le monde d'aujourd'hui, paraît que leur plan a marché. Nous vantent un progrès technique qui dans le fond a tout saccagé. Parle d'évolution quand notre humanité s'est fait hacher. Notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché. Stress, angoisse, cancer, dépression, notre compte s'est chargé. Mais on ne cherche pas la cause et les effets qu'on aimerait chasser. Philosophie fast-food pour que nos consciences soient terrassées. Au nom de la dignité humaine, nous avons dit assez. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Elle sera jamais mal, tu l'as pas fini. Elle sera jamais mal, tu l'as pas fini. Elle sera jamais mal, tu l'as pas fini. Elle sera jamais mal. C'est une résistance contre un système qui crée le terreau favorable à la haine de l'autre, au racisme et au mépris. Le refus de coopérer, de collaborer avec l'autorité. Même si on marche séparément, on doit frapper ensemble. Il y a quelque chose, une injustice quelque part, on descend tous. Il y a un problème quelque part, on descend tous. Il développe là, c'est de la désobéissance civile, c'est pas de la violence. Il y a une place énorme, une responsabilité énorme dans ce qui s'est joué et ce qui se joue et ce qui va se jouer dans l'avenir. Tout va de plus en plus vite, où la guerre est proclamée. Une guerre glaciale, de moins en moins discrète, qui s'attaque aux plus pauvres et à ceux qui refusent d'intégrer la disquette. On divise la populace, instaure l'état policier. Sors des rangs, tu mangeras la matraque de l'officier. Nouvel ordre officieux, terroriste officiel. N'est qu'un outil pour instaurer la surveillance et la peur. Éteins ta télé et leurs émissions d'arriérés. Éteins ta télé avant de finir complètement aliéné. Propagande de peur pour une soumission officielle. Métro boulot d'odométrie officielle. Les rebelles groupes ils s'entolent. Campagne de disparition, marketing pour qu'on accepte les plus dans le corps. Faut qu'on se réveille car demain sera pire encore. Les murs se resserrent, y'a de moins en moins d'espace. Réveillez-vous, ils nous ont déclaré la guerre. Réveillez-vous, peuple du monde et enfant de la terre. Réveillez-vous, avant le point de nos retours. On aura besoin de tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout. Réveillez-vous, car demain sera pire encore. Réveillez-vous, avant qu'ils nous mettent des puces dans le corps. Réveillez-vous, c'est toutes nos vies qui sont en jeu. Réveillez-vous, réveillez-vous. Ça peut les justice et la tempête est pour bientôt. Peuple aliéné, politique qui nous mène en bateau. Terrorisme d'état bien concis. Peuple exploité, voué à consommer ce qu'il construit. Prison à

ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, contrées richettes et multinationales. Politique, économique, je suis la conjoncture imposée à la planète, j'ai instauré ma dictature. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, contrées richettes et multinationales. Politique, économique, je suis la conjoncture imposée à la planète, j'ai instauré ma dictature. Tous des profits, toutes des marchandises, telle est ma devise. J'ai inventé les classes pour que vous trompiez d'ennemis. Je vous ai donné des outils pour lutter contre moi. Des syndicats, quelques partis, mais toujours cadrés par mes lois. Je détruis la nature, car ce qui importe, c'est la croissance. Votre planète, elle est devenue mon esclave. Je la nourris de déchets, la pollue jusqu'à la racine. Pendant que je me rassasie de nouvelles mesures assassines, j'empoisonne vos corps d'aliments trafiqués, génétiquement modifiés. Car le mal, ça fait des chiffres. J'ai déréglé le climat, déshumanisé les hommes, dénaturé le vital, flingué l'espoir en plein essor. J'ai réussi à vous faire croire que la vie se résumait à consommer, consommer. Pour mieux construire mon empire, je suis capable du pire. Pour vous faire croire en ce qu'il faut, si je contrôle vos esprits, c'est grâce à la culture du profit. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, contre richesses et multinationales. Politique, économique, je suis la conjoncture imposée à la planète, j'ai instauré ma dictature. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, contre richesses et multinationales. Politique, économique, je suis la conjoncture imposée à la planète, j'ai instauré ma dictature. Pour la masse qui fait confiance dès le départ, le troupeau poursuit et ne voit pas la fin du monde qui se prépare. Je suis l'ordre mondial, nouvel ordre mondial, partout sur la planète. Si on joue sur l'échiquier, je vais toujours 10 coups d'avance quand j'ai rendu le mètre arrêt pour qu'il oublie sa dernière chance. L'album le plus récent de Kenny Arcana avec la pièce Ordre Mondial, précédé de Réveillez-vous et de Désobéissance Civile. Son album s'appelle Désobéissance. Du hip-hop, évidemment, vous l'aurez deviné. Elle est française. KennyArcana.com, K-E-N-Y, trait d'union Arcana avec un K.com ou encore MySpace.com/KennyArcana. Les liens sont comme toujours sur le www.unechance.com. C'est toujours plus facile que de retenir les liens www.unechance.com. Tout est là, ainsi que la balle de diffusion à chaque semaine pour réentendre l'émission si vous l'avez ratée. Même si vous avez plusieurs chances de l'entendre, en direct le vendredi matin à 10h. On rappelle le samedi à 13h et le lundi à 17h. C'est le poste d'écoute, on découvre les nouveautés pour la première fois, tous ensemble. On se lance dans un beau petit bloc de punk, hein, pour une bonne vingtaine de minutes, 15-20. On va entendre tantôt Forever the Sickest Kids, ça c'est le nom de la formation avec leur album Underdog Alma Mater. Mais juste avant, on va l'entendre Street Dogs. Leur album est State of Grace. Et tout de suite, voici Mean Fist au poste d'écoute 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Ça c'est fou ça, c'est fou! C'est malade. You will lose. rest on this night. It's God November in Boston, let you take flight. May you rest in peace after you leave Albany Street. So much love you left to your family. 10 Milton open, coffee's brewing. Hey! Chewing the fat with me, so to speak. Hey! You worked your trade that put others first. You lived your life that way. Thanks for all the good advice it saved. So do you, I say. Tonight, tonight, tonight, we toast to you. With a deep respect for all that you served through. D'écoute. Into the valley, big soul and divine. We like define why soldiers go marching those masses in line. This disease is cashing from victory to stone. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la into the valley, into the valley, into the valley, into the valley. La formation Street Dogs avec la pièce Into the Valley, précédée de Kevin J. O'Toole et de Mean Fist. Ça vient de leur nouvel album State of Grace, ici dans le poste d'écoute. Street Dogs, un groupe de punk. Hein? Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont faciles à deviner. Ils viennent de Boston, Massachusetts. Mike McColgan à la voix, Johnny Rio à la guitare basse, Marcus Haller à la guitare, Toby Bean III à la guitare et Paul Rocker à la batterie. Ils sont en tournée présentement avec le Vans Warped Tour 2008, là, Californie, Arizona, Nouveau-Mexique, Utah, etc., etc. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de dates de spectacle. Ils vont peut-être se tanner d'ici les prochains jours, je sais pas. Street-dogs.com ou encore myspace.com/streetdogs pour en savoir plus sur le groupe et pour écouter leurs pièces. On est dans un bloc de punk. Oui, donc on continue avec le punk. C'est Forever the Sickest Kids, le prochain album. En fait, c'est le prochain groupe. Et leur album s'appelle Underdog Album Matter. Voici tout de suite la pièce Wahoo! Oui, ça s'appelle vraiment Wahoo, la pièce. Wahoo, Me versus Everyone. Tout de suite! c'est fou. À l'UQTR, R, depuis 10 ans. 10 ans. 4-4-89-1. Forever the Sickest Kids avec leur pièce intitulée My Worst Nightmare, précédée de Hey Britney et de Woho, Me vs. Everyone. Dans le poste d'écoute au 89.fm, oui, à l'arrière du CD, les pièces sont écrites en rond. Drôle. Donc leur album, c'est Underdog Alma Matter, c'est tout nouveau, du rock power pop visual selon eux-mêmes sur leur MySpace au myspace.com/Forever The Sickest Kids. Leur album est en magasin maintenant, il vient de Dallas aux États-Unis. ForeverTheSickestKids.com est aussi une bonne adresse pour les retrouver. Austin Bello à la funky bass et à la voix. Carl Burns à la batterie, Jonathan Cook à la voix, Ken Garrison piano clavier, Mark Stewart guitare et Caleb Turman guitare et voix. Hey, c'est compliqué leur affaire, j'aime ça comment c'est fait. Très très beau, très très bien. C'est du punk, ça, non, c'est correct. Des animaux de compagnie, en fait, des gens déguisés en costume d'animaux de compagnie sont sur la pochette, donc c'est gagnant et on les voit à l'arrière sans leur tête, donc toujours bien. Moi j'aime beaucoup ça les mascottes, j'aime bien bien gros ça. Bon, ben c'est déjà presque la fin de l'émission et là, ben j'ai plus de temps tant que ça pour jouer des albums avec plusieurs pièces et leur donner une vraie chance. Donc, on va l'entendre du reggae. C'est toujours bon, du reggae, c'est diversifié, c'est le fun, on aime ça. C'est Genghis Gandhis, le nom de la formation. Genghis Gandhis. Leur album est Shack Attack et tout de suite, voici Flat Broke. Au poste d'écoute, et restez là, la conclusion, et on couronne le poste d'or dans à peine quelques minutes. Au 89.1. I went to buy some gasoline, but I couldn't afford it. I wanna drive my Oldsmobile. I know that you adored it. Flat broke, no joke. Flat broke, oh no joke. Being flat broke. I smoked my last Roach joint today. Now I got no stash. Go and get some more, but I got no cash. Flat broke, no joke. Flat broke, oh no joke. Being flat broke, nah, ain't no joke. Being flat broke. If I had the coin to do it, well, I'd get loaded tonight. Flat broke, no joke. Flat broke, oh, no joke. Being flat broke, it ain't no Flat Broke de Genghis Gandis du reggae dans le poste d'écoute. C'est toujours bon, surtout pour terminer une émission. Oui, c'est déjà la fin des découvertes pour cette semaine. On ferme le poste d'écoute et on l'ouvre la semaine prochaine de nouveau. Les vendredis à 10h, les samedis à 13h et les lundis à 17h. Ce que j'ai aimé cette semaine, entre autres, est Rosetta avec Into Your Lungs. J'ai aimé l'album des Fratellis, Here We Stand. Hein, oui, et ça, je le couronne comme étant mon poste d'or de cette semaine, donc c'est mon choix. Il y avait aussi Antonio avec son album éponyme que j'ai aimé, et Set the Whale avec Home Sounds. Vous pouvez retrouver tous les liens de l'émission, tous les artistes, sur le www.unechance.com. Là-dessus, vous allez pouvoir aussi télécharger la balado-diffusion de l'émission si vous l'avez raté et que vous avez raté les reprises aussi. Donc allez-y, www.unechance.com. Moi, je vous retrouve aussi à La Connexion les mardis à 11h. On parle d'informatique et de jeux vidéo, on s'amuse ensemble, on parle de nouvelles. Et les vendredis soirs dans les palmarès C'est Fou, vous pouvez entendre la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. Qui nous suit le vendredi, c'est Rock Classique avec Anne Lefebvre. Donc restez là pour ça. Et puis après ça, ben, ça va être moi encore. Donc pourquoi ne pas rester là? On se quitte avec une deuxième pièce de Genghis Gandis qui s'appelle Dancing in the Sun. Et jusqu'à la semaine prochaine, de la part de toute l'équipe fictive du poste d'écoute, merci beaucoup d'avoir été là. Je m'appelle Mathieu Plan. Je suis en train de vous dire au revoir. Bye bye. world of gold and blue. It made me think of you. Yeah, it made me think of you. Oh, having fun. You were dancing in the sun. Dancing so much fun. I watched you dancing in the sun. Now all the people walking down that street, they're staring at the ground. No smiles anywhere, anywhere to be found. Unless they're upside down. Maybe they're upside down. Yeah, yeah, they're upside down. Oh, come on, everyone. Yeah, let's go dancing in the sun. You know that dancing's so much fun. Oh, let's go dancing in the sun. Walking down that street, moving their feet. Yeah, they're moving to the beat. Moving in the heat. Ah, they're all having fun. There's smiles on everyone. Yeah, they're dancing in the sun. Oh, come on, everyone. Let's go dancing in the sun. Dancing's so much fun. Yeah, let's go dancing in the sun. Oh, dancing in the sun. Yeah, come on everyone. Let's go dancing in the sun. Let's go dancing in the sun. Oh, come on, everyone. You know the dance is so much fun. It puts a smile on everyone. So let's go dancing in the sun. Yeah, let's go dancing in the sun. Oh, let's go dancing in the sun. Everyone's just dancing in the sun.